إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة عليه السلام وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام الله إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. L'introduction que je vous lis maintenant, c'est une introduction qui s'appelle Khutbatul Hajj. C'est une introduction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans les événements, dans les réceptions, lors d'un mariage, lors d'une khutba lorsqu'il s'adressait aux musulmans. Il commençait toujours par cette énoncé là, qu'il disait ou qu'il disait aux gens, et les musulmans l'apprenaient par cœur, et aussi il y avait des événements respectifs. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la louange à Allah. On le glorifie et on le loue. Et on cherche pardon. On demande pardon pour nos péchés. Et on lui demande, l'aide. Et on lui demande de nous protéger contre le mal qui est en nous-mêmes. Et contre les conséquences mauvaises de nos péchés. Après, on dit celui que Allah SWT guide, personne ne peut le garder. Celui que Allah SWT égare, personne ne peut le guider. Et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré. Parce que Allah SWT, il est seul et il n'a point d'associé. Et je témoigne aussi que Muhammad, alayhi salam, est son messager et son serviteur. Et après, je dis, trois versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait. Et puis après, il dit la pire des choses que les gens peuvent faire, c'est les choses qu'ils ont inventées dans la religion. C'est-à-dire les choses qui n'existent pas dans l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi wa sallam. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses que les gens ne pratiquaient pas à son temps ou à l'époque de Sahaba, et les gens qui arrivent et qui inventent de nouvelles affaires qui ne font pas partie de l'islam. Alors ça, c'est le pire des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti contre ces choses-là. Et puis après, il a dit, toutes les choses qui sont inventées dans la religion musulmane, en ce qui concerne les adorations, eh bien, c'est une bid'a, c'est-à-dire une innovation. Quelque chose de rejeté, de recommandé, c'est tout ce qui a été passé souvent dans le sens. Donc, la bid'a, c'est une balala. Et toutes les innovations sont des formes de garments. Tout ce que les gens inventent dans la religion, c'est des formes de garments. Et toutes les balala, c'est une marque. Et toutes les formes de garments, même une personne qui a ouvert le feu de l'enfer. Donc, ça c'est l'introduction, que je suis venu faire une brève résumé de sa signification, après on aura plus besoin inch'Allah de le traduire, seulement on va le discuter, puis inch'Allah vous allez essayer de suivre après de l'apprendre ce que ça signifie et de comprendre ce que c'est son sens profond, inch'Allah. Donc on va continuer là où on était arrivé. La semaine passée, on avait commencé à parler d'un sujet qui s'appelle Su'uzban Midillah, c'est-à-dire d'avoir des pensées mauvaises à propos d'Allah. Et ça, c'est ça fait partie du sujet là où on est rendu, c'est les chapitres de, qui parlent de Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans l'adoration. C'est-à-dire qu'on doit parler aucune forme d'adoration, que ce soit prière, jeûne, pèlerinage ou invocation, prière, quoi que ce soit, à autre que Dieu seul. Donc, c'est à seul, seulement à Allah qu'on doit jouer des cultes ou une forme d'adoration qu'elle pense. Et puis, dans ce sujet-là, ben, on a vu beaucoup de points, beaucoup de choses qui concernent ce sujet-là. Et là, on était rendu justement à un des points qui vient animer la foi de quelqu'un ou le tawhid de quelqu'un. Et le tawhid, comme on l'a dit, c'est l'unicité de Dieu. Donc, celui qui a, par exemple, de mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et automatiquement, c'est normal que sa foi en Allah seul, en le Dieu unique, elle est fausse. Elle a des choses qui sont contraires à la vérité. Donc, elle doit être corrigée cette foi-là ou cette pensée-là si elle est mauvaise. Et on a donné plein d'exemples de qu'est-ce que c'est avoir des mauvaises pensées, ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on était rendu à un endroit où le chef, il donnait ses exemples, justement, en citant les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ok, et il continue de donc, je vais continuer là où on était rendu. Donc, je pense qu'on avait vu ça déjà, on était rendu ici. Le chef dit, « وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيعُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الصَّالِحِ الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال امره ويبطله بلا سبب من العبد وانه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدره ولا اراده له في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به او ظن به انه يجوز عليه ان يؤيد اعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها انبياءه ورسله ويجريها على ايديهم ليضلوا بها عباده وانه يحسن منه كل شيء حتى تعظيم من افنى عمره في طاعته ويخلده في الجحيم في اسفل السافلين وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين كلا الأمرين في الحسن عنده سواء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بصبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. Donc le chef ici, qu'est-ce qu'il a expliqué, en fait, il parle en mentionnant ça, il veut réciter en même temps les idées de certains groupes parmi les musulmans qui ont des idées qui sont contraires à la vérité. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne que parmi les mauvaises pensées à propos d'Allah, c'est de penser que Allah subhanahu wa ta'ala va annuler les actions d'une personne qu'il a fait sincèrement pour le visage d'Allah en suivant et en respectant ses ordres et qu'il va les rendre vaines sans aucune raison. Et donc, de penser que Allah ferait une chose pareille, c'est d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, de penser que Allah est malhonnête ou injuste, hein, de penser que Allah va rendre ses actions nulles sans aucune raison, ça c'est quelque chose qui n'a pas un sens et qui ne respecte pas la sagesse et la miséricorde d'Allah. Ou bien celui qui pense que Allah va punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait, ou pour quelque chose qu'il n'a pas choisi, ou pour quelque chose qu'il n'est pas capable, ou qu'il n'a même pas voulu. Hein, et que Allah le punirait pour ce que lui-même Allah a fait. Ou qu'il croit que c'est permis pour Allah de donner le support à ses ennemis qui le renient et de les aider, c'est-à-dire d'aider ceux qui venaient à Allah subhanahu wa ta'ala par des miracles comme il a aidé ses prophètes et ses messagers. Ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez marquer. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas aider les gens qui le renient de la même façon qu'il peut aider ses prophètes et ses messagers. Yani parce que le but, c'est qu'Allah soit à la vie, il veut yani, donner la victoire et le support aux croyants et aux prophètes. Et donc, ce qu'il veut, c'est envoyer avec le messager et les prophètes des exemples et des preuves pour convaincre les croyants avec le miracle. Donc, c'est totalement absurde pour quelqu'un de penser que Allah central donnerait aux gens qui sont les ennemis de son message et de son messager les mêmes moyens yani, et le même support qu'il pourrait donner à ceux qui appellent à la vérité. Ok? Et après, le chef il dit, et yani, de, après ça, il dit, celui qui pense que ces choses-là c'est possible, ou qui pense que yani, Allah peut leur permettre de faire des miracles pour égarer les gens, pour égarer ses serviteurs, et que tout ça c'est des choses qui sont bonnes, même que Allah pourrait par exemple punir celui qui a passé toute sa vie dans son obéissance et de le faire périr dans l'enfer pour l'éternité parmi les gens les plus qui sont au fond de l'enfer, et qu'il fasse récompenser et jouir les gens qui ont passé toute leur vie dans la désobéissance et l'opposition aux messagers et à la religion d'Allah, et qu'il les prenne et qu'il les élève dans les plus hauts niveaux du paradis. Et ces deux choses-là, il y a celui qui pense que ces deux choses-là sont égales dans le bien, et qui croit que ces deux choses-là sont possibles, et qu'aucune d'elles ne serait comme impossible pour Allah SWT, c'est-à-dire qui pense qu'Allah SWT pourrait faire une de ces deux choses-là, et que nous, par notre raison, on n'est pas capable de distinguer entre le bien de cette chose-là ou non, c'est-à-dire de penser que on serait pas capable nous, par nous-mêmes, par notre raison, de juger. Est-ce que le fait que Allah SWT fasse récompenser les désobéissants et punir ceux qui font le bien, je crois que yani, ça c'est pas quelque chose qu'on doit déterminer par notre raison. Pour eux, pour ces gens, pour cette façon, les personnes qui pensent de cette façon, yani, tout est possible, yani, même si c'est quelque chose qui est complètement contraire à la raison. Yani, alors ces gens-là, qui pensent de cette façon-là, ils ont pensé à propos d'Allah le mal. Et ça, c'est une des idées de ce qu'on appelle c'est une des pensées, des idées du groupe qu'on appelle Al-Ash'ari. Et ils ont parlé de cette aqida-là, c'est-à-dire que Allah peut faire ce qu'il veut, même si c'est contraire à la sagesse ou à la raison. Okay? Et que, yani, c'est-à-dire qu'il peut punir quelqu'un qui fait le bien, même s'il passe une fin de vie dans le bien, ou il peut récompenser quelqu'un qui fait le mal, et donc il n'y a aucun. Sagesse ou aucune chose que ce soit là-dedans. Donc, on sait que ça, bien entendu, c'est contraire à la vérité. Et puis, celui qui pense que ça, c'est correct, eh bien, il a pensé des mauvaises pensées à propos d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Après, le chef dit : وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ بِمَا ظَاهِرُهُ بَاطِلٌ وَتَشْبِيهٌ وَتَمْثِيلٌ وَتَرْكُ الْحَقِّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ إِنَّمَا رَمَزَ إِلَيْهِ رُمُوزًا بَعِيدًا وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله عن غير على غير تأويله ويتطلب له الوجوه والاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد باطل لم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه قادر إنه غير قادر على التعبير من عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. Donc encore une fois le cheikh explique ici, il veut répondre aux gens de certains groupes comme on a dit à la Sha'ira et d'autres parmi les gens de Dalal, en expliquant que parce que parmi certains de ces gens-là, il y en a qui disent que on doit pas croire au Coran textuellement quand Allah parle de lui-même, c'est-à-dire quand il parle de ses noms et de ses attributs, on ne doit pas le prendre tel quel, parce que si tu prends le Coran tel quel, selon eux, tu tombes dans des formes de kufr ou de shirk, ou tu tombes dans des formes de tashbih, c'est-à-dire de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création ou des choses comme ça. Donc pour eux, le fait de lire le Coran ou de voir ce que Allah a révélé à propos de lui-même, eh bien, c'est comme s'il essaie de dire que Allah a essayé d'égarer la création en leur révélant un livre et qu'on ne peut pas prendre les textes qu'il a dit directement. Il faut essayer de jouer et utiliser son imagination pour essayer de l'interpréter d'une autre façon pour le faire sortir de son sens réel. Il faut essayer de lui donner un nouveau sens qui satisfait les idées des gens. Donc le cheikh il dit, celui qui pense que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui-même et de ses attributs et de ses actions parce qu'il y a une faute en apparence ou ce qui implique une ressemblance ou une similitude entre lui et sa création, alors et qui croit que Allah a laissé la vérité et qu'il ne l'a pas qu'il n'a pas dit aux hommes et qu'il a seulement laisser aux hommes certains signes, certaines exigences sont un peu éloignées, qui a essayé de leur montrer juste des indications, qui n'a pas été clair et direct, et qui n'a seulement été clair pour exprimer des similitudes, des similitudes ou des ressemblances ou des faussetés, entre, il y a une définition par exemple entre lui et la créateur, alors celui qui a pensé ça, c'est bien entendu que celui qui pense de cette façon, qui pense qu'Allah a voulu ça, eh bien il n'a plus de mauvaise pensée à propos d'Allah SWT. Et pour vous donner un exemple, ça on va en parler bientôt, mais pour vous donner juste un exemple pour vous faire comprendre un peu mieux, je prends l'exemple du verset dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-delà de son trône. Dans ce verset-là, il est clair que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est élevé au-dessus de son trône. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création. Il n'est pas mélangé avec sa création. Donc quand on lit ce verset, c'est clair. Personne qui connaît la langue arabe peut, par exemple, interpréter ce verset-là d'une autre façon. Mais le verbe, par exemple, qui est utilisé dans ce verset, dit istawa. Istawa, c'est un verbe comme les ulama, les savants l'ont expliqué, depuis, par exemple, le temps du sahaba comme Ibn Abbas. Il a dit que l'istawa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ala wa rtafa'a. C'est-à-dire, il s'est élevé et aller au-dessus de quelque chose. C'est ce que ça veut dire le mot istawa quand on l'utilise avec al-harf yam'ila, ala. C'est dit ala. Istawa ala, ala shay'un, ça veut dire ala wa rtafa'a. Ok? On peut pas, ouais. Ouais, exactement. Non. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? Il y a des gens qui ont entendu ce verset-là et qui ont dit non, on ne veut pas dire Ar-Rahman al-Allah. Ça va comme Allah l'a dit dans le Coran. Parce que si tu dis Ar-Rahman ala l'arche tawa, ça veut dire que yani, tu fais ressembler Dieu à sa création. Alors, il faut changer le sens du verset. Il faut l'interpréter d'une autre façon. Et donc, ils ont dit le mot tawa, ça signifie taula. Ça veut dire que Dieu a conquéri, il a conquis le monde. Okay? Donc, ils ont interprété le mot istawa par al-qahr et al-istila, le fait de conquérir et de prendre par la force quelque chose, prendre possession de quelque chose par la force. Et donc, cette idée-là, donc, eux, par crainte de vouloir affirmer un attribut, et par l'idée que d'affirmer cet attribut-là, ça implique une ressemblance entre Dieu et sa création. Et on sait tout à fait qu'il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa création, parce que lui-même, Allah dit dans le Coran, « Laisse que nous lui chayons, al-Basir » Donc, rien ne lui est semblable, ou rien ne lui ressemble, et il est celui qui voit tout et qui entend tout. Donc là, on sait ça, on sait qu'il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa création. Mais, eux, ces gens-là, ils ont voulu s'enfuir justement d'affirmer ce verset par crainte de faire une ressemblance entre Allah et sa créature, et ils se sont enfuis vers une autre interprétation qui implique une similitude qui est encore pire parce qu'elle implique une idée qui rabaisse Allah SWT en faisant penser l'idée que Allah SWT aurait conquéri le trône. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre qu'Allah aurait possédé le trône avant et que Allah l'aurait conquis. Ça, c'est une idée qui est complètement absurde. Parce qu'on sait que tout l'univers appartient à Allah SWT. Et il y a d'autres ulama qui ont expliqué et qui ont dit aussi, si on disait par exemple que le mot istawa signifiait istawla, c'est-à-dire de conquérir, alors dans ce cas-là, quelle serait la spécificité, quelle serait la particularité du trône, puisque Allah SWT a conquis tout l'univers, et non seulement le trône seulement, hein, pas seulement le trône qu'il a conquis. Alors, pourquoi Allah a spécifié qu'il aurait istawa ala l'arche seulement, hein? Il aurait dit de istawa ala kulli shay, mais il n'a pas dit istawa ala kulli shay, il a dit istawa ala l'arche en particulier. Et on sait que l'arche, c'est la création qui est la plus haute et la plus grande d'Allah SWT. Hein? Et Allah SWT dit dans le Coran, par exemple, dans l'ayat al-Kursi, « Wati'a al-Kursi, wa wa al-Arsh ». Donc, al-Kursi, l'ama de Tafsir, ils ont dit que c'est le repos-pied qui est en dessous du trône. Et donc, il a dit que Allah dit dans le Coran, dans surat al-Baqara, ayat 255, ça c'est l'ayat al-Kursi, le verset du trône. On le traduit par le verset du trône, mais en fait, ce qui est en dessous du trône, le marquier, oui. Alors, celui-là, il dépasse les cieux et la terre. Alors, et le trône, l'arche, il est plus grand que le kursi. Alors, imaginez, il y a la grandeur du l'arche. Et, non. Ouais. Mais il faut kursi aujourd'hui, on l'utilise pour chaise. Sauf que dans la langue arabe classique, que les arabes utilisaient à cette époque, ça ne s'utilisait pas pour la même signification que ça s'utilise aujourd'hui. Et il y a beaucoup de mots arabes comme ça, qu'on utilise à l'adam. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un bon exemple. Le frère a dit dans la langue arabe, le label c'est pour le lait, mais aujourd'hui on utilise le mot halib pour signifier le lait, alors qu'en arabe on utilise pour le lait aussi. Donc ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup de mots en arabe comme ça, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on utilisait des mots pour une certaine signification, puis avec le temps, eh bien, le mot a changé de signification selon l'utilisation. Hein. Allah, Ouais, en fait, ça dépend. Non, ça dépend. Ouais. Ben, on a parlé déjà de ça dans le livre, plutôt. C'est à fait de dire, c'est comme si tu dis, par exemple, grâce à Allah. Et on ne dit pas grâce à Allah et une personne. On dit grâce à Allah puis une personne pour montrer qu'il y a un état ou un délai entre les deux. Pour dire qu'on ne met pas Allah et la personne à pied d'égalité. Ben, ça dépend dans quel contexte on le dit. Si tu le dis d'une façon qui implique une égalité, là c'est pas permis. Mais si tu dis par exemple, non, ça dépend de la phrase que tu dis, ça dépend de ce que tu dis dans ta phrase. Mais ça dépend de ce que tu vas dire après. Si tu dis Allah et sa création ne sont pas égaux, ça dépend de ce que tu veux dire. Tu comprends? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Mais, comme je disais, c'est pour expliquer que yani, certaines personnes peut-être ont pensé que le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-delà de son compte, que ça implique que le compte soutient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une idée qui peut entrer dans la tête de certaines personnes. Donc, cette idée-là, elle est restée tout à fait parce qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui soutient toute chose. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin du trône. C'est le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a besoin de rien. Mais c'est ce que nous disons, c'est lui qui a lui-même. Celui qui a besoin de lui, que tout a besoin de lui, et lui en a besoin de rien. Donc c'est pour ça qu'on ne doit jamais pas avoir ces idées-là, parce que dans le monde, Allah aurait besoin de quoi que ce soit dans l'univers. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui tient le ciel et la terre, c'est ça qu'elle s'écrase. Alors si c'est pas Allah qui décide de retenir le ciel et la terre, et bien tout cet univers va s'écraser. Je ne veux pas sortir trop du sujet, mais c'est juste pour en même temps vous mentionner une chose. Par exemple, les gens qui ne croient pas à Allah, ils disent que cet univers elle est régi par des lois. Et puis ces lois-là, ils croient que ce sont des lois qui sont éternelles. Bien entendu, ils ne savent pas d'où elles viennent, ces lois. Et puis non plus, ils ne savent pas comment elles fonctionnent. Alors, ils en savent une partie. Et là, quand on discute avec eux, ils disent ben, c'est les lois qui dirigent l'univers, puis ces lois-là, si on les applique, ben, on n'a plus besoin de croire à Dieu, parce que tout fonctionne tout seul. C'est comme une sorte de machine qui marche et qui. Même sans croire à Dieu, on peut comprendre comment ça fonctionne. Alors, quand on réfléchit à ça, on dit, ben, qu'est-ce qui vous prouve que demain, ces règles-là vont toujours fonctionner? On ne sait jamais. Si Allah décide demain, eh bien, tout ce voilà paraît. Et la preuve, c'est qu'il y aura un jour du Qiyama et que l'univers va être détruit complètement. Et le ciel va se lever à l'ouest. Soleil, c'est une façon de parler, là. Pour nous, en tant qu'être humain ce matin, on regarde le soleil qui se lève de l'horizon, on dit se lever. On se dirait bien que c'est la fin. Mais, on comprend ce que ça veut dire. Le jour que le soleil va se lever dans l'autre sens. Là, on va dire, mais c'est parce qu'on est habitué que les choses se répètent jour après jour. Et on prend ça pour acquis. On dit, bon. Aujourd'hui, par là, il va se lever par là, puis c'est comme ça que ça fonctionne depuis des milliers d'années, donc ça continue. Mais un jour, quelque chose de différent va se faire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Allah qui décide. Il peut changer ses lois physiques, ses lois de la gravité, c'est la faire inverser d'une autre façon. Ce jour-là, lui, il arrive à arrêter de. Regarde ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour continuer, c'est pour vous dire que, il y a ceux qui ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas, quand on discute avec des gens qui ont fait des da'as ou qui ont fait ces pensées-là, on leur dit, mais je ne pensais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que personne comment parler de lui-même, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que personne quel mot utiliser pour se décrire. Comment vous pouvez penser que Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser un mot pour se décrire qui implique une imperfection ou qui implique une chose qui va le rabaisser? C'est quelque chose d'impensable. Mais c'est exactement ce que ces gens-là disent. Parce qu'ils disent, on ne peut pas prendre les termes qui sont dans le Coran ou dans la Sunna à propos d'Allah tel quel. Parce que si on les prend tel quel, on va tomber dans une, le fait de faire ressembler Allah à sa créature, ou bien on va tomber dans des formes de shirk ou des formes de kufr. Ça, c'est l'égarement total, parce que là, tu vas même plus être capable de faire confiance à la parole d'Allah. Et ça, c'est un des degrés, un des niveaux déjà de bid'ah, qu'on appelle al-ta'til. C'est al-ta'til. C'est qui ont nié les attributs d'Allah, et ils sont en degré. Là, j'ai parlé de Asha'ara, mais il y a aussi d'autres, comme Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, ça, c'est les plus dégarés, c'est-à-dire qu'ils nient complètement tous les noms et les attributs d'Allah. Ils n'affirment rien, excepté que Allah existe. Pour lui, on ne peut pas rien dire à propos d'Allah, excepté qu'il existe. Et donc, il n'a pas de volonté, il n'a pas de savoir. Il n'a pas de quoi que ce soit, il ne voit pas, il n'entend pas, il nie complètement tout à propos. Pour eux, ils sont juste affirmés une existence quelque part. Et ça, on peut dire que c'est un peu la façon dont les, par exemple, certains athées affirment l'existence d'un créateur. Ils disent, il y a un être suprême qui existe, il y a une force, mais je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas comment elle est, et puis je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle envoie des prophètes avec des révélations et des livres, et qu'il juge et qu'il aime le bien ou le mal, c'est une force quelconque sans attribut. Donc c'est ça un peu l'aqidah de al-Jahmiya, hein, ou bien les déistes, comme par exemple Voltaire et ces gens-là, libéraux, qui disaient qu'il y a un être suprême qui existe. Mais on ne peut pas lui donner aucune attribut, excepté qu'il a créé. Voilà, donc, entre eux, ils ne sont pas tous d'accord. Mais parmi les musulmans, il y en a eu qui prétendaient être musulmans, il y en a eu qui ont essayé d'amener cette aqida ou cette croyance. Le fait de seulement affirmer l'existence d'un créateur ou d'un dieu, mais sans lui donner aucune attribut, aucun nom. Non. Mais ça, on va en parler beaucoup quand on va arriver à Tawhid al-Asma al-Sifat. Là, mais c'est juste pour vous expliquer un peu de quoi les chefs parlent ici. Al-Jahmiya, eux, les savants de l'islam de leur époque, ils les ont déclarés comme étant des non-musulmans, c'est-à-dire être en dehors de l'islam, parce qu'ils ont complètement nié Allah, même s'ils disent qu'ils croient en son existence, mais en réalité, ils ont nié son essence, ils ont nié tout. Ils ont tout nié à propos d'Allah. Alors, quelqu'un qui croit au Coran et à la Sunna, c'est possible qu'il nie les attributs du nom d'Allah de cette façon-là. Ensuite, il y a eu une autre firqa ou une autre groupe qu'on appelle Al-Mu'tazila. Et eux, ils ont affirmé les noms. D'accord? Ils ont dit Allah qui est Al-Alim, Al-Sami, Al-Basir. Mais ils ont mieux qu'ils attribuent que ça implique. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, ces gens-là, ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois qu'ils ont trouvé une attribut qui impliquait, selon eux, une ressemblance avec la création, eh bien, ils l'ont interprété pour dire que c'est sa volonté, que c'est sa force, c'est autre chose. Et nous, ils ont mieux simplement les attributs, qu'ils attribuent. Et l'autre groupe, c'est Al-Asha'ira. Eux, ils ont affirmé les noms et ils ont affirmé 7 sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois il y en a d'autres qui ont affirmé 13. Et il y a aussi ce qu'on appelle Al-Maturidiyya. Ouais. Et si vous lisez les livres, vous écoutez les gens, la plupart d'entre eux, ils vont vous dire que quand ils parlent d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, ils pensent que ce sont Al-Asha'ira ou Al-Maturidi. Et donc, ça c'est une chose qu'il faut faire attention lorsque vous lisez les livres. Parfois, lorsque vous voyez marqué Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a, si eux, ils ne veulent pas dire l'aqida de Salaf, c'est-à-dire sans renier les attributs d'Allah, alors vous savez que ce sont Al-Asha'ira ou Al-Maturidi. Hein? Ce ne sont pas ce qu'on appelle Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a vraiment. Hein? Donc, ça on va en parler. Mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ces gens-là, en général, les trois groupes, on les appelle Jahmiyyah parfois. On les appelle sans distinction Al-Jahmiyyah parce qu'ils font nier les attributs d'Allah. Voilà. Soit complètement ou soit en partie. Ou bien on les appelle Ahl-Sa'fiyyah. C'est-à-dire des gens qui font Sa'fiyyah et comme on a dit, ils font un degré. Il y en a qui en mis plus, il y en a qui en mis moins. Après, qu'est-ce qu'il nous l'a dit aussi? C'est ça. Il y en a un autre degré qui est encore plus grave, peut-être. C'est ceux qui nient non seulement le sens des attributs d'Allah, mais ils nient aussi le sens de tous les mots arabes qu'on peut trouver dans le Coran. D'accord? N'importe quel mot arabe qui se rapporte au pilier de l'islam ou quoi que ce soit. Par exemple, ils vont dire, par exemple, As-Salah, ça ne veut pas dire As-Salah. Ça, ils lui donnent une autre interprétation. Comme par exemple, ça c'est pour vous donner un exemple, c'est les groupes ou les gens qu'on appelle Al-Batiniyoun. Al-Batiniyoun, comme par exemple Al-Ismailiyya, Al-Duruz, Al-Nusayriyya, et d'autres comme ces gens-là. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, le Coran a deux sens. Un sens apparent et un sens caché. Oui, Batin. C'est de là que vient leur appellation Al-Batiniyoun. Hein? D'accord? Et donc, on va le considérer. Et on les appelle aussi en français les ésotériques. Ésotériques, c'est-à-dire, oui, ceux qui croient que la connaissance réelle de l'islam ou de la révélation peut uniquement être connu par un petit groupe d'initiés. C'est-à-dire des gens qui ont reçu une initiation secrète à certaines connaissances et que le reste des musulmans ne peuvent pas le connaître. Pas nécessairement, non. Parce que ça, c'est des termes. Aïn al-Yaqin, et Aïn al-Yaqin, ça, c'est des termes qui sont utilisés dans le Coran. D'accord? Ouais, ça, c'est du cœur, ouais. Aïn al-Yaqin, tout ça, c'est des degrés de Yaqin. D'accord? C'est comme, par exemple, quand tu as une connaissance de quelque chose, tu en es convaincu, ça fait Aïn al-Yaqin. Mais quand tu le vois avec tes yeux, alors là, ça devient Aïn al-Yaqin. Parce que là, tu l'as convaincu, mais en plus, tu l'as vu. Alors, tu es encore plus convaincu. D'accord? Donc, c'est le niveau de conviction. Wallahu a'lam. Mais ça n'a pas rien à voir avec, par exemple, certains des soufis, hein. Ils ont dit, wa'bud rabbaka, hatta ya'tiyaka al-yaqin. Une ayah dans le Coran. Et adore ton serviteur jusqu'à ce que al-yaqin, la certitude, te vienne. Et oui, la mort, elle y a plus de sources, mais c'est la mort. Mais pour eux, ça veut dire autre chose. Ça veut dire, adore Dieu, fais des exercices spirituels, soit de forme d'adoration qu'ils ont inventée pour eux-mêmes. Et puis, lorsque tu atteins Al-Yaqin, ça veut dire que tu arrives à l'extase ou quoi que ce soit, alors là, tu peux arrêter d'adorer Allah. Tu n'es plus obligé de prier, tu n'es plus obligé de jeûner. C'est l'objet de faire les obligations de l'islam, parce que ça atteint le niveau de Yaqin. Il y a beaucoup parmi les gens de Balal, soit les Sufis ou d'autres, qui ont ces idées-là. Et là, comme on disait par exemple à propos de l'Ubatiniyoun, c'est ça. Par exemple, à l'Ismailiyoun, je crois qu'il n'y a aucune interdiction dans l'islam. Tout est halal, mais c'est ça. Les choses, Allah, il croit que. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, il ne croit même pas. Il ne croit même pas au fait qu'il y a des prophètes. Pour eux, les prophètes, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des êtres intelligents qui ont atteint un niveau de compréhension et qui se sont inventés des lois. Ils ont dit que Dieu a révélé ces choses-là parce que parce que selon eux, les êtres humains sont stupides, ils ne sont pas capables de comprendre par eux-mêmes. Alors, ils sont obligés d'utiliser ces exemples-là de croyances, de feu, l'enfer, paradis, des choses comme ça, parce que une fois que sinon ils vont pas obéir. Alors selon eux, ils pensaient que ils disent que ce groupe-là de ces bâtiments, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ces exemples-là, c'est seulement pour les communs, les musulmans, les gens qui n'ont pas atteint un niveau plus élevé. Mais ceux qui sont plus intelligents, qui sont plus... parce que pour eux, la prophétie, le fait de devenir prophète, eh bien, n'importe qui peut l'atteindre. Juste en ayant un peu de connaissance et de philosophie. Alors, quand tu as atteint la sagesse, ça y est, tu es un prophète pour ces gens-là, tu deviens un prophète. D'accord? C'est pas une révélation que Dieu envoie à quelqu'un en particulier. Ok? Et puis, qu'est-ce qu'ils disent aussi, c'est que, étant donné que ça, c'est la réalité, alors, ils pensent que la prière, c'est pas obligatoire. C'est seulement pour les gens simples, les gens ordinaires. Le jeûne, ça veut pas dire jeûner non plus. Le had, et toutes ces choses-là, ils leur donnent une autre signification, une autre interprétation qui n'a rien à voir avec, par exemple, le jeûne, ils vont dire, c'est garder nos secrets. Les secrets de notre cercle, de notre groupe. De pas les dévoiler aux étrangers. Ou à ceux qui sont pas initiés. Ils sont tout le temps, mais en tout cas, c'est étrange parce que Roger Garaudy, je sais pas si vous avez entendu parler de lui, eh ben, Roger Garaudy, c'est exactement ça qu'il dit. Exactement ça qu'il fait. Quand on a lu une entrevue de lui, et puis, il était exactement de dire ça. Que, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est que la prière, le jeûne, ça, c'est pas ça. Réellement, ça veut dire, pour moi, ça veut dire autre chose. Donc, il donne d'autres interprétations à ça. Et puis, c'est comme ça parce que ce qui arrive avec les gens qui étudient la philosophie, eh ben, souvent, ils essaient de dérouter ou désigner ce qui arrive. Donc, ces gens-là, au Bâtiment, ils ont fait beaucoup de désordre dans la Oumma. Ils ont, à certaines époques, réussi même à prendre le pouvoir dans plein de places dans le monde musulman. Par exemple, dans l'époque où ils ont dirigé en Égypte, au Yémen, au nord de l'Afrique, la Tunisie, la Libye, et puis l'Égypte, même en Irak aussi. Au nord de l'Afrique, c'était Al-Ubaydiyyin, et puis en Égypte, Al-Fatimiyyin. Et tout ça, c'était des États qui avaient été fondés par ces gens-là. Et pendant leur époque, c'est là qu'ils ont justement, ils en ont profité pour répandre leurs idées et leurs croyances et construire justement tous les débats de construction sur les tombeaux, tout ça, ça a été bâti et établi durant leur époque. Et la fête du prophète Rasulallah, ça a été établi durant leur époque et ça s'est répandu partout comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup de mal qui est arrivé à cause de ces gens. Et Salah al-Din al-Ayyubi qui a fait les croisades, qui a combattu contre les chrétiens pour prendre les terres saintes, et bien avant de commencer à combattre les chrétiens, les qui avaient conquéri les terres saintes, il a commencé par écraser ces États et à reprendre le pouvoir à ces endroits-là où les Bâtiments avaient réussi à prend le pouvoir, et après qu'il a terminé avec eux, là, il a attaqué les chrétiens. Muhammad Wahab. Et à son époque, c'était pas nécessairement des Bâtiments qui avaient le pouvoir, mais il y avait beaucoup de chrétiens et beaucoup d'autres idées dans la question. Non plus, c'est ce qu'il a fait, il a combattu ces idées-là. Et c'est donc, alhamdulillah, Tous ces groupes-là, ils ont été démasqués, dévoilés au grand jour. On a expliqué leurs mensonges et leurs égarements pour protéger les musulmans de leur mal. Donc, c'est ce que le cheikh explique ici. tout ce que gens-là peuvent vouloir penser que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu clarifier sa parole à sa création et qu'il aura, wa alaykum salam wa rahmatullah, et qu'il leur aurait révélé des choses qui impliquent des formes de kufr ou de shirk ou de tashbih ou ta'til ou dalal, yani, ça c'est de penser mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait quel mot utiliser pour parler de lui-même et il sait c'est quoi la meilleure façon pour se décrire, etc. Et donc, on ne doit jamais essayer de renier ou de mettre de réinterpréter d'une façon fausse ses attributs afin de que Allah n'aurait pas bien clarifié sa religion. Après le chef, il dit وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ هُوَ وَسَلَفُهُ عَبَّرُوا عَنِ الْحَقِّ بِصَرِيحِهِ دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وأن الهدى والحق في كلامهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المشركين والحيارى هو الهدى والحق فهذا من أسوأ الظن فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء من الظنين بالله غير الحق ظن الجاهلية انتهى كلام ابن القيم في بيان من هم الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن أراد استيفاؤه فليراجع في زاد المعاد والله المستعان. Donc le chef dit celui qui pense qu'il peut clarifier la vérité mieux que Allah SWT et son messager et que la vérité et la guidance sont dans leurs paroles en ce qui concerne plutôt que dans la parole d'Allah. C'est-à-dire, ceux qui pensent que leurs paroles sont mieux, plus claires, et qui amènent plus à la guidance que la parole d'Allah et de son messager, eh bien, c'est sûr que ça, c'est de penser, d'avoir de mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui pensent que celui qui prend seulement du sens évident du Coran, que ça implique un tashbih et un tamthil, c'est-à-dire de faire ressembler Dieu à sa création, et que les paroles qui sont les paroles par exemple des mushrikines, des idolâtres, et il y a des gens qui sont dans le doute, et bien ça c'est la parole qui est la guidance et la vérité, mais nous ils ont inversé tout. Ils ont pris la parole des gens qui sont dans le shirk ou dans le doute, ils ont dit cette parole-là c'est la parole de la vérité. Et la parole d'Allah et de son messager, ben on ne peut pas prendre le sens évident. Il faut l'interpréter d'une autre façon, sinon on va s'égarer. Donc, ça c'est d'avoir une mauvaise pensée à propos d'Allah. Après, le chef dit tous ces gens-là ont pensé mal à propos d'Allah. Et le chef dit donc, ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn al-Qayyim. Et celui qui veut avoir plus de détails sur ce sujet, il peut retourner au livre Zad al-Ma'ad, c'est un des livres de l'imam Ibn al-Qayyim, Al-Jawziyya. Et ça c'est, dans ce livre-là, il y a plus de détails sur ce sujet. Si quelqu'un voudrait retourner au livre. Et puis, un des plus que je connais, il m'avait expliqué que le livre de l'imam Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad, il l'avait écrit sur le dos de son âme lorsqu'il était en route vers Makkah pour faire le Hajj. Donc en chemin, il a écrit Zad al-Ma'ad, il a écrit 5 volumes. À cette époque, il n'y avait pas d'argent, bien entendu. On n'a pas perdu. Après, le chef, il explique un autre point qui vient pour annuler aussi le tawhid, qui vient annuler l'unité d'Allah, c'est le fait de se moquer de quoi que ce soit de la religion d'Allah, ou de prendre en raillerie quelque chose qui a rapport avec l'islam, ou avec le rappel d'Allah. Donc le chef dit, « Al-istihza'u bishay'un fihi dhikrullah » Ça fait le script. Après, il commence, il dit, يجب على المسلم احترام كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين وأن يعرف حكم من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون المسلم على حذر من ذلك. فإن من استهزأ بشيء أو فإن من استهزأ بذكر الله أو القرآن أو الرسول أو بشيء من السنة فقد كفر بالله عز وجل لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد وكفر بإجماع أهل العلم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le chef est suivi, il dit, il est obligatoire aux musulmans de respecter la parole d'Allah SWT et la sunna de son messager et les ulama de l'islam. Les ulama sont les savants des musulmans. Et il est obligatoire de connaître le verdict de celui qui s'est moqué de quoi que ce soit, de ce qui contient un rappel d'Allah ou le Coran ou le messager. Pour que le musulman soit averti, qu'il prenne garde de ça. Parce que celui qui se moque de quoi que ce soit, de ce qui contient un rappel de Dieu, ou le Coran, ou le messager, ou quoi que ce soit de la Sunna, celui qui se moque ou qui prend en raillerie quelque chose de ces choses-là, alors il a rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a rabaissé la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le message d'Allah prophétique. Et ça, bien entendu, c'est une négation de l'unicité d'Allah, et c'est un acte de mécréance selon l'unanimité des savants de l'islam. Parce que Allah ta'ala, il dit dans le Coran, et si tu leur demandes, ils diront, ils ne faisons que discuter et jouer. Dites, est-ce que c'est à propos d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir été croyant. Ça, c'est dans la sourate At-Tawba. Donc, le cheikh dit, « وَقَدْ جَاءَ بَيَانُ سَبَبِ نُزُولِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْنِ أنه ما حصل من المنافقين في بعض الغزوات من سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد روى ابن جرير وغيره عن ابن عمر ومحمد بن كعب ويزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجنب عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب ونقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا في نفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Non. Donc le chef, il a expliqué en fait la raison de la révélation de ces versets. D'accord? Il explique c'était quoi l'occasion, dans quelle occasion ce verset-là a été révélé. Et le fait de connaître la raison pourquoi ce verset a été révélé, ça nous aide encore plus à comprendre la signification du verset. Et le chef, il dit que ces deux versets qu'on a lus tout à l'heure, eh bien, ils ont été révélés à propos d'une histoire qui est arrivée au sujet de munafiqin, des hypocrites. On va continuer après. La raison pourquoi ce verset a été révélé, et c'est à cause de certains hypocrites pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti dans une expédition pour aller combattre la guerre, la bataille de Tabouk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route, et pendant le chemin il y a certains des hypocrites qui sont montés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Alors, ça a été rapporté par Ibn Jarir, selon plusieurs des ulama, des sahaba et des tabi'in, que pendant la bataille de Tabouk, un homme a dit, on n'a pas vu parmi vos récitants du Coran, il parle des sahaba, je vous parle de ceux d'entre vous qui récitent, qui ont des plus gros ventres, et qui ont des langues plus menteuses, c'est-à-dire qui disent des mensonges, et qui sont plus peureux lorsqu'il y a une rencontre avec l'ennemi, que l'ennemi. Il accuse les sahaba de les manger, de mentir et de peureux. Alors, il parlait, en disant ça, il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Alors, Auf ibn Malik, qui l'a entendu, a dit, il a menti. Et c'est un prophète qui dit, je vais aller en informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Auf est parti pour rejoindre le prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Coran l'avait déjà précédé. C'est-à-dire que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait déjà révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un avait dit cette parole. Alors, il a dit, alors cet homme qui avait dit ces insultes-là à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du sahaba, il est venu pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà monté sur sa chamelle, et puis il était déjà prêt à partir, et il a dit, oh messager d'Allah, on voulait seulement jouer et puis parler comme ça pour faire passer le temps pendant qu'on était sur la route. C'est dans un voyage, on n'aime pas faire passer le temps parce que le voyage est long. Alors on discute et eux ils pensaient que ils pouvaient discuter comme ça en faisant des blagues ou en se moquant des sahaba et en se moquant du prophète. Alors, il a dit, on faisait seulement nous amuser et discuter comme ça. Alors, Ibn Omar a dit, et je voyais cette personne accrochée à la chamelle du prophète, à la lèvre du chameau comme ça, et ses pieds qui passaient les pierres. Comme ça, il était comme pendu à la lèvre de la chamelle, puis il disait, oh, messager d'Allah, on voulait seulement nous amuser et puis jouer. C'est pas sérieux, on faisait seulement des blagues. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, est-ce que c'est d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez quitté la foi après avoir cru. Et donc, le chef lui dit, ça fait hatayn ou hayatayn, un kalimatayn, ma'a bayan et sababin et volihima, dalil ou wadihun, ala kufr man istahza'a billahi wa rasoulihi, ou ayati illahi, ou sunnati rasoulihi, ou bi sahabati rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam, لأن من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبية والرسالة وذلك مناف للتوحيد والعقيدة ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم. ومن أجل العلم الذي يحملونه وكون ذلك كفرا ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات جاءوا معترفين بما صدر منهم ومعتذرين بقولهم إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدنا اللعب ضد الجد. فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها، ولم يقبل اعتذارهم بأنهم لم يكونوا جادين في قولهم، وإنما قصدوا اللعب. ولم يزد صلى الله عليه وسلم في إجابتهم على تلاوة قول الله تعالى أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هذا لا يدخله المزاح ولا اللعب، وإنما الواجب أن تحترم هذه الأشياء وتعظم، وليخشى عند آيات الله إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته، والقائد اللاعب متنقص لها. Donc, c'est ce que le chef explique ici, il dit, quand on regarde la raison pourquoi ces versets ont été révélés, eh bien, ça devient une preuve claire que celui qui s'est moqué d'Allah, de son messager, ou des versets d'Allah, ou de la sunna de son messager, ou des sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a mécru, qu'il a rejeté la foi, et que celui... Parce que celui qui a fait ça, il a dénigré ou rabaissé Allah subhanahu wa ta'ala et il a rabaissé le message d'Allah. Et ça, c'est en contradiction et ça vient nier le tawhid et la croyance. Et même si quelqu'un le fait sans avoir l'intention de vouloir rabaisser ou de se moquer, donc c'est pas nécessaire d'avoir l'intention de se moquer pour dire que c'est ce qui fait une course. Si tu te moques de quoi que ce soit, de la religion d'Allah, eh bien, tu deviens un non-croyant, c'est toi de la foi. Même si tu dis, ah non, mais je voulais juste m'amuser, c'est pas sérieux. Tu ne peux pas blaguer avec les choses de la religion d'Allah. C'est comme de se moquer, comme le chef il dit. Et qu'est-ce qui rentre dans ça aussi? Il rentre le fait de se moquer des savants de l'islam. Et de se moquer d'eux, pour de pas les respecter et de les atteindre dans leur honneur à cause de la science ou du savoir qu'ils portent en eux, et du coup ça c'est copier les créances, même si la personne qui le fait n'a pas eu l'intention de rejeter ou de se moquer. Et de, on, dans ça, par exemple, on peut entrer aussi les personnes qui se moquent des musulmans parce qu'ils portent une barbe. Les barbus, les choses comme ça, ou les gens qui se moquent des femmes parce qu'elles portent le hijab, ils se moquent du hijab dans l'islam. Ou ils se moquent de quoi que ce soit de ce qui est dans la révélation d'Allah. Ces gens-là, quand ils font ça, sont moqués des versets d'Allah et se moquent aussi de la sunna du prophète. Donc, on ne doit jamais se moquer de quoi que ce soit de ce qui vient d'Allah et de son messager. Et de faire ça, c'est un acte de faute, même si la personne qui le fait n'a pas une intention de se moquer. Et la preuve que ce n'est pas nécessaire d'avoir l'intention de se moquer pour que ce soit faute, c'est que lorsque ces gens-là sont venus, ceux qui avaient fait ça au temps du prophète, lorsqu'ils sont venus voir le prophète pour avouer ce qu'ils avaient fait, c'est mal, ou bien pour dire on voulait juste jouer ou s'amuser, eh bien ça n'a pas été une excuse valable pour le prophète. Et le prophète a uniquement répondu à ces gens-là par le verset, est-ce que c'est d'Allah et du messager Abillahi wa ayatihi, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez l'écrit après avoir eu la foi. Non, donc il faut qu'il fasse le tawba, la repentance. Qu'on le fasse le hadam, qu'on le fasse le hadam, qu'on le fasse le hadam, qu'on le fasse le hadam, qu'on le fasse le hadam.